Il fait toujours plus beau quand on voit bien. En ce moment, chez Écoutez Voir, les verres à votre vue sont offerts pour l'achat d'une monture solaire à partir de 69 euros. Mais surtout, chez Écoutez Voir, il n'y a pas d'actionnaire et les bénéfices contribuent à l'économie sociale et solidaire. Écoutez Voir, optique et audition, mutualiste. Point de vente soumis au code de la mutualité. Dispositif médical, demandez conseil à votre opticien sur ordonnance, conditions et engagements sur écoutezvoir.fr. France Inter. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, retour sur le drame du Drac. Ou comment, en décembre 95, 6 enfants ont trouvé la mort lors d'une sortie scolaire en Isère. Un accident terrible, dû à un enchaînement de circonstances qui désigne de nombreux responsables de la région grenobloise, l'éducation nationale bien sûr, mais aussi la ville de Grenoble et la direction d'EDF qui a ordonné l'ouverture des vannes du barrage en amont de la rivière, précisément là où les enfants effectuaient leur classe de découverte. Une onde de choc traverse alors la région, où immédiatement chaque corporation se protège et renvoie la responsabilité sur les autres. Alors, qui a failli dans sa mission et qui ment? Comment expliquer que cette sortie qualifiée de classique ait pu dégénérer de cette façon? Une histoire qui met en exergue les notions de responsabilité ou de culpabilité, responsable mais pas coupable, éternel débat. Notre invité aujourd'hui, Cédric Ribert, professeur de droit et directeur de l'Institut des sciences criminelles à l'Université de Grenoble-Alpes. Il nous attend dans les studios de France Bleu Isère, que nous remercions pour leur accueil. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire Sophie Bobert, coordination Franck Cognard, réalisation Stéphane Côme. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Décembre 1995. Cela fait 6 mois que Jacques Chirac est entré à l'Élysée, promettant, entre autres, de mettre fin à la fracture sociale. À Matignon, il nomme son fidèle Alain Juppé, qui lance dans la hâte sa réforme des retraites et de la sécurité sociale. Une réforme qui engendre une contestation d'une ampleur inédite en France depuis mai 68. SNCF, RATP, EDF-GDF, France Télécom, Éducation nationale, tous les secteurs sont en grève. La France est vent debout, d'autant que Juppé ne faiblit pas droit dans ses bottes, comme il le dit. Alors, les syndicats appellent à une puissante journée d'action nationale dans les secteurs privés et publics, journée prévue pour le 5 décembre. Et il se trouve que les grévistes ont le soutien de l'opinion. Alors, à Lille, à Marseille, à Rennes ou à Paris, partout on se prépare pour cette grande manif, tout comme à Grenoble. Assemblée générale ce matin dans le hall de l'hôtel de ville, tous les services étaient représentés, des espaces verts à la collecte des ordures ménagères en passant par la restauration scolaire et les bibliothèques. Les uns se sont engagés dès vendredi dernier dans le mouvement revendicatif avec des arrêts de travail de quelques heures ou de la journée entière. Les autres demeurent dans l'expectative. La CGT en tout cas appelle les 3000 communaux grenoblois à manifester demain. C'est donc le lundi 4 décembre, veille de la grande manif, que tout se précise. Et que tout près de Grenoble, les 18 agents EDF du barrage de Notre-Dame-de-Commiers, eux aussi, installent leur piquet de grève. Cela fait même plusieurs jours que la salle de commande du groupement hydraulique qui garantit l'alimentation en eau potable est occupée par les salariés qui ont débrayé. Ici, la lutte contre ce plan Juppé, on y croit dur comme fer. Et plus rien ne compte, hormis le mouvement. Ce même lundi, tandis que les grévistes s'organisent, un car scolaire se gare devant une école primaire. Teva, Lisson, Céline, Vincent, Olivier, Tammy et leurs amis, tous âgés de 7 ans, prennent place dans le bus. L'ambiance est joyeuse. Leur institutrice, Madame Rost, a organisé une sortie le long de la rivière du Drac sur les traces des castors. Un classique pour les petits grenoblois. La preuve, pour la seule année 93, pas moins de 405 élèves l'ont accompli. Alors bien sûr, tous les parents ont signé l'accord de sortie, un accord qui précise de façon explicite découverte de l'eau, du barrage, des castors et des étangs. Voilà pourquoi, pour cette classe de CE1 de l'école privée Notre-Dame, le froid qui saisit la région à 3 semaines des vacances de Noël importe peu, tant l'idée de croiser les castors les réjouit. Certes, devant le car, certains d'entre eux remarquent la mine troublée de Madame Rostin, la maîtresse, tandis qu'elle discute avec Madame Jagger, la guide. Mais tout semble s'arranger vite. Et le car prend la direction du barrage de Monténard, sur le site de l'Arrivoire, que longe la rivière du Drac, à une vingtaine de kilomètres de là. Ici, pour l'émission des Racines et des Ailes, sur France 3, un guide décrit en hélicoptère la beauté du site. Sébastien survole à présent l'ouvrage le plus spectaculaire de la vallée, le barrage du Monténard. Alors moi j'ai un souvenir assez ému de la première fois où je suis arrivé face à ce barrage, parce que c'est vrai que c'est quand même un ouvrage très très impressionnant. Il fait plus de 130 mètres de haut. Là on voit bien les berges abruptes du Drac, hein. c'est très très joli. La retenue a vraiment une très très belle couleur, presque turquoise. Mais la rivière est belle, oui, et ici chacun la connaît. Les plus anciens se souviennent même que son nom, le Drac, dérivé du latin dracum, signifie dragon. Et que, selon la légende locale, ce Drac est un génie impétueux qui attire les gens pour les noyer. Impétueux, oui, mais c'était avant. Car depuis, la rivière était domptée. Désormais, elle est retenue par deux barrages EDF, ce qui lui permet de cheminer sereinement le long des bosquets. C'est joli tout cela, bucolique et très touristique. Le site est même devenu une aubaine en termes de retombées économiques. C'est pourquoi, en 1991, les communes voisines de Vif et de Saint-Georges-de-Commiers créent en accord avec la mairie de Grenoble et EDF un parking pour faciliter les visites. Et ça marche. Au beau jour, on s'y promène, on y pêche, en dépit de ces étranges panneaux jaunes où est inscrit le mot « danger ». Certains précisent même qu'il est dangereux de s'aventurer dans le lit de ce cours d'eau, comme dans les graviers et les îlots, parce que le débit de l'eau peut varier brutalement et à tout moment selon l'activité des centrales hydrauliques et des barrages. Ces panneaux, Madame Jaguer ne peut pas les ignorer. Elle parcourt ce site depuis des années. Mais tout se passe bien, toujours. Même s'il est vrai que l'hiver se prête moins à ce type de sortie et qu'il est toujours plus facile d'être trois adultes plutôt que deux pour encadrer une classe de petits, pas de quoi s'inquiéter d'ailleurs. C'est le jour même de la sortie, ce 4 décembre, que la mairie de Grenoble, dont elle dépend, lui a appris l'absence de sa collègue souffrante. Et donc, qu'elle ne serait que deux, elle-même et l'institutrice, pour encadrer les 27 élèves de 7 ans. Ce qui est largement insuffisant. Illégal, dirait-on aujourd'hui. Alors, faut-il annuler la sortie ? Eh bien, toutes deux en parlent devant le car scolaire et semblent un instant, en effet, hésiter. Enfin, on est ici en terrain connu, répétons-le. Et puis, Madame Jaguer, la guide, a l'air si confiant. Alors, en avant les enfants. Je me promenais sur un plateau dominant le Drac, il était un peu moins de 16 heures, lorsque mon chien a aboyé. En bas, un îlot de gravier était complètement cerné par l'eau. Et des enfants, parka rouge et bleu, couraient en criant. Deux adultes étaient immobiles, comme s'ils réfléchissaient. J'ai crié, j'ai fait de grands signes avec mon mouchoir pour leur dire de ne pas bouger, mais ils ne m'ont pas vu. J'ai couru pour donner l'alerte à 500 mètres. Vers 16h10, je suis revenu au bord du plateau, mais il n'y avait plus personne. C'est donc grâce à ce garde champêtre qui témoigne pour le Dauphiné libéré que dès 16h04, l'alerte est donnée. Au même moment, stationné sur la place du village, le chauffeur du car voit arriver des élèves en larmes, couverts de boue et trempés. Certains n'ont plus de chaussures et tous crient « Venez, l'eau a tout emporté, venez, ils se noient !» Le plan rouge est lancé. À 16h30, un premier hélicoptère arrive sur les lieux. Les secouristes identifient 12 personnes en difficulté. Ce sont les enfants qui sont parvenus à se hisser sur un îlot, d'autres sur une butte rongée par les eaux. Alors tous sont hélitreuillés. La maîtresse est là, elle aussi en état de choc. D'autant que 4 élèves manquent à l'appel. Du côté de l'école, la panique saisit les parents qui attendaient le retour de leurs enfants à 16h30. Alors tous filent à Saint-Georges-de-Commiers où la salle des fêtes est transformée en PC de secours. Et la pression monte encore d'un cran lorsqu'ils apprennent que 4 élèves sont portés disparus. Mais lesquels ? Certains parents crient le nom de leur enfant, d'autres brandissent une photo. 3 noyés toujours en cours de réanimation à l'hôpital de Grenoble, 2 enfants, 1 monitrice, 4 enfants toujours portés disparus, tous emportés cet après-midi par les eaux du Drac. C'est le bilan actuel du drame qu'ont découvert avec angoisse les parents aux portes de la mairie de Saint-Georges-de-Commiers, 20 km au sud de Grenoble. Petit garçon, s'il vous plaît. Votre nom, c'est quoi ? Peu à peu, les enfants indemnes sont rendus à leurs parents. Le père du petit Julien raconte « J'ai vécu des heures terribles sans savoir quels enfants étaient vivants. C'est inadmissible qu'on ne nous ait pas laissé les voir tout de suite. Mais enfin, je suis tellement heureux d'avoir retrouvé mon fils vivant. » D'autres parents d'élèves, eux, laissent éclater leur colère. Comment les responsables de l'établissement ont-ils pu entraîner ici 22 enfants ? Et les miens, ils étaient il y a 15 jours. C'est bon, mon petit gamin qui était en CP, il était là-bas il y a 15 jours. Ça aurait pu très bien arriver à mon enfant. Car dans la nuit, un premier bilan fait état de 3 personnes en état de coma profond. Madame Jagger, l'accompagnatrice et 2 enfants. Un coma qui leur sera fatal. Au petit matin, 150 pompiers, gendarmes et plongeurs tentent de retrouver les disparus en ratissant les berges. Et 2 hélicoptères survolent la région en dépit de la neige qui commence à tomber. En début d'après-midi, enfin, des gendarmes aperçoivent sur les berges une paire de bottes, puis 2 anoraks et un bonnet. Avant de remarquer sous 4 mètres d'eau glacée une forme inhabituelle. Les plongeurs fouillent le lit de la rivière jusqu'à ce qu'ils retrouvent 4 petits corps. À l'école Notre-Dame, c'est le choc. Tout comme au rectorat de Grenoble, où le directeur de cabinet Michel Letzgus déclare « Les castors faisaient partie des visites locales classiques. Peut-être que les accompagnateurs auraient dû s'enquérir auprès d'EDF s'il n'y avait pas de lâcher d'eau prévu ce jour-là. Bien sûr, ajoute-t-il, s'il y a faute de notre part, on l'assumera. Mais ce sera au procureur de déterminer les parts respectives de chacun. » À la mairie, dont dépendait l'accompagnatrice, on prévient, il y a eu un problème quelque part, et il est normal que les parents cherchent des responsables. L'enquête ne fait que commencer. Un problème quelque part, c'est peu de le dire. Et c'est désormais un véritable puzzle qui doit être reconstitué. Car de fait, les premières questions se posent. Quid de la préparation de cette visite, de la sécurité du site, et des conditions du lâcher d'eau barrageant l'amont? Car enfin, est-ce que EDF a bien été prévenu de la présence d'enfants sur les berges ? Nullement, répond l'électricien, ce que bien sûr, l'école et l'académie réfutent. Alors qui ment ? D'après la mairie, l'accompagnatrice Madame Jagger connaissait bien la question des lâchers d'eau sur le site. Il est impensable qu'elle n'ait pas elle-même prévenu par téléphone ou par fax pour pallier la grève de la poste, disent ses collègues. Alors, serait-il possible que cette grève, qui affectait, rappelons-le, les 5 centrales de la région, ait brouillé la communication en interne ? Bien. Et quitte du froid, maintenant, qui sévissait en cette fin de journée. Le froid, oui. Le temps neigeux, poussant à une surconsommation d'électricité dans la région. Le bassin de compensation avait atteint son niveau maximal, comme l'explique le directeur de groupement d'exploitation hydraulique du DRAC. Lundi à 14h30, nous avons procédé, selon les modalités habituelles, d'après une commande effectuée depuis le Centre Régional de Régulation EDF de Lyon. Il s'agissait là d'un premier lâchage de 25 mètres cubes à la seconde. Cette mesure fait monter le niveau moyen de la rivière de 50 cm, ce qui décuple la largeur de la rivière. Les écoliers devaient alors se trouver sur la rive gauche, devenue inhospitalière. Ils ont ainsi été piégés en pleine retraite et sans doute submergés par la seconde phase du lâchage d'une puissance de 50 mètres cubes, soit 2 fois plus puissante que la précédente. Mais une fois de plus, nous assurons ne pas avoir été prévenus de leur présence. Diagnostic confirmé par le secrétaire général d'EDF qui précise « Ce n'est que vers 16h15 que nous avons pris connaissance de la présence d'enfants. Pile au moment où on était en train de procéder au lâcher des 50 mètres cubes d'eau par seconde. Trop tard, donc. » Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi le fait qu'EDF avait autorisé, quelques années plus tôt, une importante extraction de gravier sur le site. Dans quel but ? Financer l'approvisionnement en eau de la nappe phréatique grenobloise. Sauf qu'un million de tonnes de gravier, ça fait beaucoup. Et cela peut avoir un impact sur la rivière. Un homme d'ailleurs s'en était inquiété dès 1991. C'est Jean-François Noblet, l'ancien responsable de la FRAPNA, la Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature, et ancien conseiller à l'environnement auprès d'Alain Carignon, le président du Conseil Général. Il avait porté plainte, oui, à titre personnel, contre cette exploitation illégale. Avant de céder à, disons, certaines pressions, et de retirer sa plainte. C'est ainsi, que dénaturé et comme aspiré par ce gigantesque trou d'eau, la rivière a percé un deuxième lit et que l'îlot sur lequel les enfants ont été piégés se trouvait pris en étau pile entre ces deux lits. Cernés, les enfants et leurs guides ont sans doute fait le mauvais choix de tenter de traverser le bras naturel moins large, mais plus impétueux. En somme, depuis des années, on a banalisé un site dangereux. Symbole de ce cynisme, les fameux panneaux danger plantés juste à côté du parking à touristes, une schizophrénie, une inconscience collective dont les enfants ont payé le prix. Inter, affaires sensibles. Lundi 23 juin 1997, tribunal correctionnel de Grenoble. La salle est pleine à craquer. L'instruction, conduite par la juge Nathalie Carnevalet, permet de cerner les responsabilités du drame, notamment grâce au diagnostic émis par 4 experts, 2 hydrologues et 2 géomètres. Constatant la dénaturation du site, leur constat est implacable. À l'audience, les experts se sont montrés clairs et précis. Les géomètres sont venus avec des photos, des clichés pris entre 1953 et 1995. On y voit le site se modifier au fil des ans et des crues, les bassins qui se creusent, les bancs de gravier qui se déplacent, la végétation qui envahit le site. Les experts l'ont dit au tribunal, le jour du drame, les enfants sont allés dans un piège et le piège s'est refermé. En 5 minutes, ils ont eu de l'eau jusqu'au cou, la vitesse du courant était de 3 mètres secondes. Les experts ont également apporté une vidéo, un film tourné une semaine après le drame. Les familles des victimes attentives ont pu se rendre compte de la brusque montée des eaux après un lâcher. Les experts sont clairs, l'endroit est dangereux, il ne fallait pas y aller, ont-ils dit au tribunal. Et puis il y a l'implication d'EDF qui a géré le mouvement social de décembre de façon, disons, baroque. On découvre ainsi qu'un bras de fer s'était engagé entre la direction et les syndicats lorsque les grévistes ont voulu bloquer le dispositif hydroélectrique. La décision d'ouvrir les vannes fut donc prise à Lyon, à la direction régionale, sans prendre la peine de vérifier la présence de promeneurs sur le site. D'ailleurs, des promeneurs en cette fin de journée neigeuse, impossible. Et puis, il y a bien la signalisation qui mentionne le danger. Mais ces fameux panneaux, danger, qui les respecte ? La commune encourage toutes les visites. Au tribunal, c'est la consternation. D'autant qu'on apprend qu'hormis cette modeste signalétique, aucun signal sonore ne donne l'alerte. L'un des parents résume alors, installer une sirène dans le secteur aurait coûté 8 920 francs à EDF, qui détient un capital, rappelons-le, de 39 milliards. C'est une somme dérisoire qui aurait pu pourtant sauver la vie de nos enfants. Comprenez, les raisons économiques ont prévalu au-delà de tout succès d'humanité. La justice frappera là où elle doit frapper, assure le procureur général de Grenoble aux parents des 6 enfants morts. Elle va frapper fort. Seul le maire PS de Grenoble, Michel Destot, ainsi que sa conseillère en charge de la petite enfance, bénéficient d'un non-lieu, au vu de leur récente prise de fonction à la mairie 5 mois avant le drame. En revanche, sont appelés à comparaître les 3 responsables locaux d'EDF, mais aussi la directrice de l'école Notre-Dame et les 2 inspectrices d'académie qui ont donné le feu vert à cette sortie. Et puis, bien sûr, il y a la question de l'institutrice. D'eau au public, elle est la première personne à s'exprimer. Après avoir décidé de se porter partie civile, se considérant elle aussi comme une victime. Et elle s'en explique. Je ne connaissais pas ce lieu, je ne m'y étais jamais rendue. Geneviève Jaguer marchait devant. À aucun moment je n'ai vu de panneau signalant un danger. C'est au retour que l'accident s'est produit. Geneviève a dit « Oh là là, l'eau monte, ils ont ouvert !» Elle n'a pas terminé sa phrase et s'est lancée dans l'eau à la poursuite de 3 enfants entraînés dans le sens du courant. Les autres ont commencé à paniquer. J'ai pensé que c'était le fait de voir Geneviève se précipiter à l'eau qui a déclenché ce mouvement de panique. Certains se sont accrochés à moi. En face de moi, j'ai aperçu 3 enfants sur un rocher. Je leur ai dit de ne pas descendre. Puis j'ai vu un enfant emporté par les flots, entre l'îlot et le rocher. Un autre groupe était sur une plage de galets. J'ai tenté de les calmer, puis j'ai entendu la sirène. J'ai vu des hommes vêtus de jaune sur les berges. Je les ai appelés. Je savais que j'étais visible avec mon pull rouge. Un hélicoptère est arrivé. J'ai fait coucher les enfants pour les protéger. Puis les secouristes ont descendu un câble et nous ont élitreuillés. L'institutrice souligne donc son rôle de protectrice et choisit de se retrancher derrière le fait qu'elle ne connaissait pas le site et qu'elle faisait confiance à l'accompagnatrice. Oui, enfin, un peu facile, estime l'un des parents. D'autant qu'ayant péri dans l'accident, cette dernière ne peut répondre de ses actes. Il n'empêche, entendu en tant que témoin, un pêcheur l'accable. Plusieurs fois ces dernières années, j'ai croisé Madame Jaguer. Je lui disais toujours, mais qu'est-ce que vous faites là avec les enfants? C'est dangereux. On ne se promène pas avec des bambins sous un barrage. Et elle me répondait, mais l'endroit est tellement beau. Et puis, j'ai l'autorisation d'EDF. Moi, vous savez, je me suis déjà fait prendre par la montée des eaux à 2 reprises. Alors pensez, des enfants avec leurs petites bottines. Comprenez qu'ici, les pierres sont très glissantes. On ne peut même pas tenir debout. Alors, par temps neigeux. Au 3e jour du procès, on projette la vidéo tournée par les experts. Des images tournées le 11 décembre, soit pile une semaine après les faits. Et le résultat est saisissant. D'une voix émue, le porte-parole des experts explique à quel point les consignes de lâcher d'eau en vigueur à l'époque sont devenues archaïques. À quel point elles correspondent à l'ancien état du lit du Drac, devenu une zone anarchique. Plus explicite encore, le rapport pointe l'absence de politique de déboisement, les extractions pharaoniques de gravier qui ont creusé des retenues artificielles et ravagé les rives, ainsi que l'absence d'un chenal principal, tout comme la multiplication des bras créant un réseau hydraulique en tresse. Pour les experts, le site est complètement déstructuré et conduit les eaux à une vitesse anormalement élevée. En somme, la question de la quantité d'eau lâchée importe moins que l'état du lit du Drac, qui est devenu un piège. Puis il conclut, tout s'est concrétisé dans une volonté de valoriser un site en négligeant l'aspect sécurité et en favorisant le facteur économique. Le 26 juin, à l'issue d'un réquisitoire dans lequel il dénonce l'incroyable accumulation de légèreté et d'irresponsabilité, je le cite, le procureur n'épargne aucun des prévenus et déclare « C'est le procès de la confiance trahie, de la légèreté industrielle, de la bêtise administrative. » Le procureur a d'emblée donné le ton de son réquisitoire. Sans embâge ni hésitation, il a distillé les responsabilités, celles des prévenus de l'éducation nationale. Il a demandé 10 mois de prison avec sursis à l'encontre de l'inspecteur d'académie et de sa subordonnée, parce qu'a-t-il dit, vous laissez faire et signer n'importe quoi dans vos services. 18 mois de prison avec sursis pour l'institutrice rescapée, parce qu'elle a failli dans sa mission. La sortie du 4 décembre était au mieux mal préparée. Et le procureur de lâcher prononcer cette phrase « Toutes ces fautes ont suffi à tuer les enfants ». Il a conclu son propos en requérant 2 ans de prison avec sursis pour les cadres d'EDF parce que leur responsabilité est accablante. Le réquisitoire du procureur est clair et précis. EDF, dit-il, a lâché de l'eau sans se demander si quelqu'un se promenait dans le Drac. Il a aussi fustigé le comportement des prévenus d'EDF à l'audience qui n'ont admis aucune responsabilité, même morale. Sylvie Bassal, Radio France Isère pour France Inter. Le jugement est prévu pour la rentrée. Mais en attendant, à l'approche de l'été, dans les communes qui longent le Drac, c'est la panique. L'ensemble des rivières du département a été soumis à un test d'évaluation. Résultat, 7 d'entre elles ont été qualifiées à haut risque. Alors, le préfet de l'Isère en interdit l'accès à l'année. Sage décision ? Peut-être. Sauf qu'elle provoque la démission immédiate de 12 maires et la colère des acteurs économiques. Comment interdire à ses enfants de jouer dans les eaux fraîches de la Bourne ? C'est pourtant ce que vient de décider le préfet de l'Isère pour des raisons de sécurité. Un ouvrage EDF se trouve en amont et ses baigneurs ne sont pas à l'abri d'un lâcher d'eau intempestif. Mais dans ces gorges où l'on vit du tourisme, cette décision soulève la colère des élus. L'arrêté est beaucoup trop simpliste, beaucoup trop autoritaire, en interdisant le site toute l'année de façon aveugle. Donc c'est inapplicable, et à partir du moment où c'est inapplicable, nous, en tant que maire, on est obligé de donner notre démission. Nous n'avons pas été consultés, disent les 12 maires de l'Isère qui viennent de démissionner. De leur côté, les responsables de camping et les commerçants parlent d'un arrêt de mort pour la région. Nous, on vit beaucoup par rapport à ça. Faut pas croire, la Bourne, c'est quelque chose de grandiose, aussi bien du point de vue de la pêche que pour n'importe quoi, pour les baigneurs, le camping et ainsi de suite. Ça représente énormément. Du côté de l'éducation nationale aussi, ça gronde. Dès la rentrée, la plupart des écoles de l'Isère annulent les sorties scolaires. Le nouvel inspecteur constate même une situation de blocage sans précédent. Car lorsque le tribunal rend son jugement le 15 septembre, c'est la consternation. La justice relaxe l'ancienne inspectrice et la directrice de l'école pour accabler uniquement l'institutrice, qui écope de la peine la plus lourde prononcée dans ce dossier, 18 mois de prison avec sursis pour ne pas avoir annulé la sortie. Tandis que les 3 cadres d'EDF n'écopent que d'un an avec sursis. Donc, du côté des écoles, c'est un jugement qui choque. Car s'il est entendu que l'institutrice, qui désormais n'a plus de travail, aurait mieux dû préparer sa sortie, on considère qu'elle fait figure de fusible. C'est donc sa corporation qui se dit lâchée. Autant dire qu'en cette rentrée de septembre, hors de question de prendre de nouveaux risques. Voilà pourquoi on annule toutes les sorties. Depuis quelques temps, le programme pédagogique de ces élèves est un peu flou. Le lundi, ils vont en principe à la piscine, mais depuis 3 semaines, les séances aquatiques ont laissé place aux exercices physiques dans un gymnase. Pourtant, aujourd'hui, un bus est bienvenu pour établir l'enseignement de la natation, puis il est reparti vide. Ben, on ne sait même pas ce que le café là, à la limite. Il y a une classe qui sort peut-être, mais pour faire quoi ? Face à cette situation, une délégation de parents mécontents s'est rendue à l'inspection départementale de Pont-de-Cherui afin d'obtenir des éclaircissements. La panique provient en fait d'un mot d'ordre du syndicat des inspecteurs de l'éducation nationale, déconseillant aux enseignants d'organiser des sorties éducatives. Après l'affaire du Drac, ce syndicat cherchait ainsi à modifier les textes relatifs aux responsabilités engagées lors des sorties scolaires. Et les parents d'élèves, eux ? Face au jugement du tribunal et à la réaction des syndicats de l'éducation nationale, voilà qu'ils se divisent et se méfient. Une vraie cacophonie. D'autant que le parquet, l'institutrice et les familles des victimes décident tous ensemble de faire appel. Printemps 98, les prévenus se retrouvent donc une nouvelle fois devant la justice, tribunal présidé par Odile Hanel, qui reprend l'examen du dossier en auditionnant de nouveaux témoins. Parmi eux, le préfet de l'Isère, à qui l'avocat général demande « Ne pensez-vous pas qu'il y avait incompatibilité entre l'objectif touristique et vos objectifs de sécurité liés à la présence d'une installation hydroélectrique ?» Comme prévu, le préfet se réfugie derrière les circulaires. Alors, Odile Hanel lâche, vous répondez toujours de façon administrative. Mais le fait est, monsieur le préfet, qu'on n'emmène pas des enfants se promener dans le lit d'une rivière sous un barrage. La cour d'appel décide donc d'aggraver la peine infligée à l'institutrice et la directrice de l'école, tandis qu'elle relaxe les responsables académiques, quitte de nouveau à enflammer les syndicats d'enseignants. Et elle en profite pour fustiger également le comportement peu soucieux des impératifs de sécurité du maire RPR de l'époque, je le cite Alain Carignon, et condamne la ville de Grenoble à une amende de 500 000 francs. L'affaire est-elle pour autant terminée? Pas le moindre du monde. Car le 6 février 2000, le procureur général de la Cour de cassation, Jean-François Burgelin, propose de casser le jugement. Car d'après lui, la faute commise par les prévenus n'est pas suffisamment grave. L'opinion est sous le choc. À l'initiative de cette proposition, il y a un colloque pour hauts fonctionnaires nommé « Faut-il toujours un coupable ?» Un colloque qui rencontre un franc succès auprès des avocats, des élus et des magistrats qui acquiescent. Car si derrière les drames, il y a souvent un responsable, ce n'est pas forcément un coupable. Et il y a urgence à limiter la pénalisation de la vie publique et à éviter de finir au pénal. L'affaire du sang contaminé est passée par là, tout comme les lobbies. C'est ainsi que le 11 juillet, la loi Fauchon est votée. Et votée, une loi que le procureur Jean-François Burgelin justifie dans les colonnes de Libération. Je pense qu'il n'est pas souhaitable d'aller systématiquement au pénal quand une faute indirecte et légère est commise. La loi du 11 juillet 2000, à la lumière de laquelle la Cour a relu le dossier, vient de corriger cette pénalisation excessive de notre société. Alors que devient dans cette affaire la douleur des victimes? Que ce soit dans la catastrophe du Mont-Blanc ou l'affaire du sang contaminé, les familles sont en état de choc. Cette douleur n'est pas niée. Mais la condamnation pénale ne doit pas lui servir de catharsis. Et je le dis simplement, ajouter du malheur au malheur ne crée pas du bonheur. 5 ans après les faits, l'affaire sera donc rejugée aux grandes dames des familles des victimes, épuisées par ce marathon judiciaire et pour qui ce tour de passe-passe juridique est destiné à dédouaner les coupables. Une amnistie méprisante et insupportable au regard de la mort des 6 enfants, comme en témoigne le père du petit Teiva, ici, au micro de France Inter. C'est une farce, énorme farce, car notre procès était prévu pour printemps. Ils se sont débrouillés pour nous mettre le 23 novembre à l'automne. Mais entre-temps, ils ont créé une loi. Ils ont créé la loi pour s'auto-amnistier des élus en sert comme cobaye judiciaire. C'est une honte. Que ça fait 5 ans. Je suis révolté complètement. Moi, on m'a brisé ma vie dans la tragédie de Drac. On ne parle pas d'accident, on parle de tragédie. Ils sont perdus à l'école. Donc moi, je dis que la France, elle m'a tué mon enfant. Farce ou pas, l'affaire est à nouveau jugée devant la Cour d'appel de Lyon le jeudi 10 mai 2001. Une première susceptible de faire jurisprudence pour les proches de drames collectifs. Et l'épilogue tombe enfin, le 28 juin de cette année-là. En vertu de cette nouvelle loi Fauchon sur les délits non intentionnels, l'institutrice et la directrice sont à leur tour relaxées. À l'énoncé du jugement, les syndicats de l'éducation nationale se déclarent soulagés. Mais devant les caméras, le père du petit Eva brûle sa carte d'électeur et déclare « Ici à Lyon, on est dans la ville de Guignol ». Alors en brûlant ma carte, je fais un geste en direction du législateur qui crée la loi et qui s'auto-amnistie. Car non, je ne suis pas blessé. Je suis inguérissable. Mad world. France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'affaire du Drac. Notre invité, Cédric Ribert. Bonjour. Bonjour. Vous m'entendez bien, c'est parfait. Vous êtes dans les locaux de France Bleu Isère à Grenoble. Vous êtes professeur en sciences criminelles à l'université de Grenoble-Alpes et vous avez participé à un colloque intitulé « La loi Fauchon du 10 juillet 2000 et les politiques publiques ». C'était en mars dernier à la maison de l'avocat à Grenoble. Alors Grenoble, en l'occurrence, vous connaissez bien, vous y enseignez. D'abord, personnellement, quels sont vos souvenirs de cet épisode dramatique survenu en 95? Alors, j'étais étudiant à l'époque, donc mes souvenirs sont un peu obscurs dans la mesure où, comme tout le monde, bien sûr, j'avais été frappé par ce drame. En revanche, je n'ai pas gardé de souvenirs particuliers ou particulièrement marquants, ne connaissant pas notamment de victimes dans cet accident. En revanche, j'ai suivi le feuilleton judiciaire que vous avez évoqué dans les années qui ont suivi. Ça m'intéressait particulièrement en tant qu'étudiant pénaliste. Oui, alors on l'a vu justement, résumons, le premier procès souligne l'enchaînement de circonstances qui prévaut pour l'accident. Toutefois, il pointe également l'inconséquence de la politique menée à Grenoble sous l'égide d'Alain Carignon, conseiller général de l'Isère de 1985 à 1997, et il était maire de Grenoble de 1983 à 1995. En résumé, une politique schizophrène qui à la fois encourage le tourisme sur les berges du Drac, tout en acceptant de dénaturer le site, ce qui a été largement prouvé par les experts du coup. Tout à fait. Comment comprendre le positionnement de la municipalité de faire appel de sa condamnation? Il y a un moment, faut assumer quand même quand les faits sont là. Oui, alors il faut savoir qu'on était à l'époque, en 1995, juste après l'adoption du nouveau code pénal de 1994, et c'est ce code pénal qui a introduit la notion de responsabilité pénale des personnes morales. Donc, quelque part, la ville de Grenoble essuyait un peu les plâtres sur des infractions non intentionnelles qu'on pouvait lui reprocher, et en droit, il y a une distinction à faire pour les collectivités territoriales, elles ne sont pas forcément responsables pénalement. Pour qu'elles le soient, il faut que l'activité qui est litigieuse dans l'espèce, soit susceptible d'une délégation de service public. Et tout l'enjeu, tout le débat était de savoir si, effectivement, ici, l'encadrement des sorties scolaires était une activité délégable. La Cour de cassation a répondu non, et donc on comprend bien que, bien conseillé, la ville de Grenoble ait demandé, bien sûr, sa relaxe. Alors, on a vu dans le récit que l'arrêté pris par le préfet en 97 d'interdire l'accès au site avait provoqué la démission immédiate de 12 maires des communes environnantes, ainsi que la colère des acteurs économiques. De fait, vous évoquez les épées de Damoclès qui menacent sans cesse les élus des petites communes qui naviguent entre leurs faibles moyens et l'immense responsabilité qui leur incombe. On pense à la métaphore ou la réalité d'un arbre qui tombe dans une cour d'école. Et le maire est rendu responsable. Et d'ailleurs, ça a provoqué une crise, non pas de recrutement, parce que les maires sont élus, mais de volontariat pour être maire. Après tout, ils se disent, le maire, mais ça devient infernal, quoi. Oui, tout à fait. D'ailleurs, je suis originaire d'une petite commune dans laquelle la crise des vocations pour les élections municipales est toujours flagrante. En réalité, ce qu'il faut bien voir, c'est que derrière ces questions-là, effectivement, se pose la question du risque pénal qui pèse sur les décideurs publics. Et le fantasme ou le mythe de la cage de foot ou du paillet de basket qui tombe sur un enfant et qui rend de facto le maire responsable, c'est vraiment un mythe. C'est-à-dire que même quand on regarde la jurisprudence antérieure à l'affaire du du DRAC, on s'aperçoit que dans une affaire notamment de 1989 qui était pourtant citée dans les travaux préparatoires de la loi du 10 juillet 2000, eh bien dans cette solution-là, le maire n'a pas été condamné pénalement, il a été condamné civilement à réparer le dommage subi. Et ici, je crois qu'il y a une introduction importante à faire pour les auditeurs, c'est la différence entre la responsabilité pénale, qui est la plus grave dans une société, puisqu'on peut punir avec des peines, donc comme son nom l'indique, et la responsabilité civile ou administrative, pour laquelle il s'agit de réparer le dommage causé aux victimes. Et tout le problème, c'est que autant on peut admettre la responsabilité assez facilement, notamment quand il y a une assurance, par exemple, des décideurs ou des collectivités, etc. En revanche, la responsabilité pénale est une chose trop grave pour qu'on la manie avec légèreté. On y reviendra. Mais posons-nous la question de savoir ce que 27 ans après, il reste de ce drame dans les mémoires. Le long de la rivière du Drac, rien ne rappelle vraiment le drame. À Grenoble, en revanche, il y a un petit mémorial, une fontaine construite en 1998 par la mairie à la demande des familles, et notre reporter, Annel Verzo, s'y est rendu hier pour Affaires Sensibles. Alors là, je me trouve à Grenoble, dans le parc Paul Mistral, vraiment au cœur du centre-ville. Et là, dans ce parc, eh bien, il y a une fontaine octogonale avec plusieurs robinets. Sept robinets, je lis ce qui est écrit sur ce monument. Déclaration des droits de l'enfant. Le droit au secours immédiat en cas de catastrophe. Il y a des traces de pas et de mains et plusieurs dessins d'enfants. Là, il y a une maison, une famille. Là, il y a un château à la mémoire de Tammy. Un nouveau dessin à la mémoire de Solune. Là, il y a une maison, un soleil et un chat. Et puis un nouveau dessin, un arc-en-ciel, un soleil, une petite maison, un dessin d'Alison. Bonjour, vous êtes en train de faire du skate, là, je vous dérange. On se trouve juste à côté d'un monument. Je ne sais pas si vous voyez la fontaine. Vous la voyez ? Oui. Ouais. Est-ce que vous savez ce que c'est ? Non, je n'ai aucune idée. En plus, je vais souvent chercher de l'eau après le skate, juste à côté, là. Ouais. Mais aucune idée de sans ce que savoir. C'est. Sans savoir ? Non. Ce serait bien qu'ils mettent une petite plaque d'information ou je sais pas. Bonjour messieurs, dames. Oui. Je voulais savoir si vous saviez ce qu'était le monument qu'on voit là-bas. Il y a une fontaine. Tu sais toi là ? Moi je sais pas. Avec des robinets, il y a sept robinets. Je connais, mais ça... Moi je sais pas. Bah tu vois le nombre de fois où je suis passé là-dedans, ça m'a pas attiré du regard. Véronique, il y a beaucoup de personnes qui viennent se recueillir ici ou pas ? Pas à ma connaissance. Véronique Puyot est grand reporter à France Bleu Isère. Le 4 décembre 1995, au moment du drame, elle avait rencontré les familles des victimes et depuis, elle ne les a pas lâchées. Souvent, les personnes qui viennent, c'est pour les dates anniversaires, les 4 décembre. Mais en fait, les gens passent devant et savent plus exactement ce que c'est que ce drame des enfants du Drac. Enfin, en tout cas, c'est mon ressenti personnel. C'est le temps qui efface la mémoire ? C'est le temps qui efface la mémoire, oui, parce que eh bien, les personnes qui ont été témoins de ce drame ne veulent plus en parler, ont déménagé, sont décédées. Là, tu parles des familles ? Des familles, oui. Je pense notamment à la maman des jumelles, Solune, qui est décédée dans le drame, et sa petite sœur, Hélène, qui, elle, avait été malade et n'avait pas pu aller à cette sortie scolaire. Et Marie-Fleur, la maman des jumelles, est décédée en 2018. Et Marie-Fleur est décédée d'un cancer, à mon avis, ça a un rapport avec ça. Voilà, c'est des familles détruites, des gens qui sont décédés, des enfants qui ont grandi sans un frère, sans une sœur, et puis avec des parents absents parce que s'occupant de l'enfant décédé et voulant lui rendre justice. Aujourd'hui, l'endroit n'est plus accessible, hein. On ne peut plus du tout y aller. Oui, l'endroit n'est plus accessible. Et puis, les parents s'étaient battus au niveau judiciaire, mais ils s'étaient aussi battus pour que plus jamais un tel drame. Donc, ils s'étaient rapprochés d'EDF et il y avait eu des hydroguides qui avaient été mis en place les étés qui ont suivi pour que, justement, ces guides aillent à la rencontre du public qui continuait à venir se baigner dans cette rivière, le Drac, et pour leur expliquer les dangers. Alors, attendez, il y a des personnes qui continuaient à se baigner après le drame, dans le Drac. Oui, parce que c'est un lieu connu des Grenoblois. Quand il fait chaud, ils vont se rafraîchir là-bas, bien sûr. Oui, tout à fait. Mais même s'il y a le panneau à côté, attention, danger, lâcher de barrage, les gens y retournent, bien sûr. Quand il y a un lâcher de barrage, il doit y avoir une sirène qui retentit, mais parfois, il y a des gens qui disent qu'ils ne l'entendent pas. En tout cas, il n'y a jamais eu d'autres drames. Vieco et Marie-Claude ont perdu leur enfant, Teva, le 4 décembre 1995. Oui. Ils y vivent aujourd'hui à côté de Bordeaux. Ils ont accepté que je les appelle. On ne guérit pas. De ça, on ne guérit pas. Je vous dirais que moi, j'ai vécu et que je continue à vivre, mais qu'à l'intérieur, il y a un vide qui n'est pas comblable. Jusqu'à la fin, il nous manquera. Émouvant témoignage des parents de Teva, marqués à vie par la perte de leur enfant, on l'imagine. Aujourd'hui, ils ont 77 ans. Ils espèrent pouvoir se recueillir devant le mémorial à Grenoble le 4 décembre 2025 pour les 30 ans du drame. Cédric Ribert, on vient de l'entendre dans le reportage d'Anaël Verzo. Des personnes continuent de se baigner dans la rivière malgré les alertes. Et alors, ça pose la question suivante. Est-ce que la mémoire du drame est suffisamment préservée? Non, je crois qu'effectivement le temps passe et efface les choses. Je suis moi-même passé tout à l'heure devant la plaque dans le parc Mistral. Je m'apercevais aussi qu'on voit passer des tas de gens qui ne savent pas du tout à quoi ça correspond. Et en réalité, le procès a quand même eu une vertu pédagogique. Je crois d'ailleurs que c'était vraiment sa vraie vertu. C'était de faire prendre conscience aux diverses autorités qu'il fallait modifier les réglementations, les pratiques, les circulaires pour les sorties scolaire et attirer l'attention sur les dangers des barrages. Donc il y a eu des évolutions. Après, dans la réalité des faits et des comportements, l'imprudence, puisque tout ça ce sont des questions d'imprudence, elle continue de régner et je crois qu'il n'y a pas que dans le Drac que des personnes prennent les risques de se baigner dans des endroits où c'est dangereux. C'est sûr, mais il n'aurait pas été plus pertinent de mettre une plaque sur le lieu de drame plutôt qu'à Grenoble? Alors oui, je croyais qu'il y avait une petite plaque sur les lieux, mais comme ça a été dit, ça n'est plus accessible. Effectivement, on pourrait garder. Enfin, c'est tout le débat dont vous parlez dans le récit, c'est-à-dire la volonté de développer le tourisme et différents endroits, et sans doute pour les collectivités d'oublier aussi quelque part, bien sûr, ce drame pour ne pas être entaché vitam aeternam par cette catastrophe. Alors vous disiez qu'il y a eu des évolutions, on va en parler, la loi Fauchon notamment, on va en parler après avoir écouté Florent Marché qui chante « L'éclaircie ou l'incendie ». Garde-moi quand tu cours à ta perte, garde-moi quand ton cœur est inerte et tes rues désertes. Garde-moi quand plus rien n'est sublime devant les éclats de vitrine et le bleu marine. L'éclaircie ou l'incendie, je ne te reconnais pas. Pourquoi tu fais ça? Dis-moi, est-ce que tu crois? Garde-moi quand le monde nous dégoûte, quand il fait ses sorties de route, ses voyages en soute. Garde-moi quand tu n'as que tes poings, plus personne pour tendre la main, plus que des ronds-points. L'éclaircie ou l'incendie, je ne te reconnais pas. Pourquoi tu fais ça? Dis-moi, est-ce que tu crois qu'on n'est vraiment plus chez soi? Ribert, je rappelle que vous êtes professeur en sciences criminelles à l'université de Grenoble-Alpes. Alors il y a la tragédie, hein, on rappelle la mort de 6 enfants. Il y a aussi le coup de théâtre juridique. Nous sommes en 2000 et le procureur général de la Cour de cassation propose de casser le jugement au regard de la nouvelle loi Fauchon. Alors que dit-elle en substance, hein, dans ses points principaux, cette nouvelle loi? Alors, c'est une loi qui a été adoptée afin d'opérer une dépénalisation partielle hein, de ces infractions qui sont des infractions non intentionnelles, c'est-à-dire qu'on n'a pas voulu le résultat. Et la distinction majeure qui a été introduite, c'est précisément entre les auteurs qui ont directement causé le dommage, par exemple ceux qui ont fait les lâchers d'eau en l'occurrence, et puis ceux qui sont des auteurs qualifiés d'indirects, c'est-à-dire qui n'ont pas pris les mesures pour empêcher un dommage, ou qui y ont contribué, mais de façon plus éloignée. Et pour ces personnes-là, la loi Fauchon considérait qu'il fallait les protéger en exigeant pour les condamnés une faute plus grave que la faute ordinaire. Donc si on est un auteur direct, une simple faute peut conduire à la condamnation pénale. Si on est un auteur indirect, il faut une faute caractérisée ou délibérée de la part de celui qui est poursuivi. Et les décideurs publics font évidemment partie des auteurs indirects, puisqu'ils encadrent la vie des autres, ils prennent des décisions pour les autres, mais en général ils ne provoquent pas le dommage directement. Alors, on comprend ce désir de dépénaliser les acteurs de la vie publique lorsqu'ils ne sont pas auteurs d'une faute caractérisée, mais comment concilier tout ça avec la détresse des familles qui perçoivent, elles, cette loi comme une amnistie ? Oui, alors, c'est un peu choquant pour un juriste d'entendre parler d'amnistie, même si on comprend la souffrance des victimes, évidemment. Mais je crois qu'on a trop tendance à faire du procès pénal un exercice d'expiation collective, alors que la justice est avant tout là pour dire le droit. Juridiction, oui. En latin. Et donc, en l'espèce, la loi pénale est rétroactive quand elle est plus douce. Donc, cette nouvelle loi était supposée s'appliquer à des faits qui n'étaient pas encore jugés définitivement. C'était le cas de l'affaire du Drac. Et donc, la Cour de cassation a simplement dit le droit en appliquant, d'ailleurs, pas elle-même, l'application elle-même du droit, puisqu'elle a simplement cassé pour renvoyer après à la Cour d'appel de Lyon. Et c'est la Cour d'appel de Lyon qui a dû statuer à nouveau sur la question des fautes reprochées à l'institutrice et à la directrice de l'école. La Cour d'appel de Lyon a considéré que, eh bien, en vertu de la loi Fauchon, ces personnes-là étaient des auteurs indirects et qu'elles n'avaient pas commis de fautes caractérisées. Alors, je ne sais pas si c'est pertinent de comparer cette affaire-là avec celle du sang contaminé, mais je vais vous dire pourquoi je l'évoque. À l'époque, dans cette affaire du sang contaminé, les allers-retours incessants entre prescription des faits, non-lieu requis, requalification, aboutissent à la relaxe définitive de Laurent Fabius, premier ministre à l'époque des faits, et Georgina Dufoy, ministre de la Santé. Pile un an avant l'élaboration de la loi Fauchon, justement. Mais il y a cette phrase, dite par Georgina Dufoy, ministre de la Santé, plus précisément aux affaires sociales de l'époque. « Je me sens responsable, mais pas coupable. » Aujourd'hui encore, on réfléchit à cette phrase-là. Comment on sort de cette dichotomie ? Alors, effectivement, la formule a fait jurisprudence. Une vraie affaire sensible, elle est toute seule. Voilà. Mais vous avez une distinction, c'est vrai qu'on peut faire, je l'évoquais tout à l'heure, entre la volonté de chercher des coupables, et il n'y en a pas toujours, malheureusement, ou du moins c'est pas toujours ce qu'on croit. Je rappelle quand même que les trois cadres d'EDF ont été condamnés définitivement dans cette affaire-là, hein, puisque eux ne sont pas pourvus en cassation. Donc il y a bien eu des coupables, mais bien sûr que les projecteurs étaient braqués sur d'autres, et ces autres auraient pu être responsables. Et c'est pour cela que je crois qu'il y a un message qu'il faudrait pouvoir faire passer quand même, c'est que la justice civile, la justice administrative condamne tous les jours des collectivités ou des personnes privées ou des personnes physiques ou morales pour des fautes qui ont été commises, et on les condamne à réparer par des dommages et intérêts les victimes. Pas seulement en France, mais surtout en France, hein, il y a cette volonté de tout faire passer par la voie pénale pour trouver des coupables. C'est évidemment entendable, hein, c'est légitime de la part des victimes, mais cela d'abord aboutit à encombrer les juridictions pénales, et puis ensuite, il y a un risque de déception lorsque, comme en l'espèce, la condamnation pénale n'est pas possible en droit. Donc je crois qu'il y a vraiment un effort à réaliser en termes de pédagogie pour faire comprendre qu'il n'y a pas que le droit pénal dans la vie, et c'est un pénaliste qui le dit. Donc, le côté loi scélérate, elle n'est pas si scélérate que ça, en gros. Non, je crois... En quelques secondes, s'il vous plaît, parce qu'on a vraiment fini. Oui, non, enfin voilà, c'était simplement, je crois que cette loi est importante pour prémunir les élus et d'autres décideurs qui n'ont pas tous les moyens pour prendre les bonnes décisions, les prémunir d'une responsabilité pénale qui pourrait être injuste. Parfait, ce sera le mot de la fin. Merci infiniment, Cédric Rieder. Au revoir. Au revoir.